Chapitre 9. Un instant suffit à Everard pour faire ses remarques, et tout de suite il se sentit pris d'une inexplicable sympathie pour cet étranger. C'était peut-être à cause des larmes qu'il voyait couler sur ses joues. Après l'avoir contemplé quelques minutes en silence, avec un attendrissement mêlé de respect, il lui dit de sa voix la plus douce « Bienheureux ceux qui pleurent !»« Qui me parle ainsi ?» dit le voyageur en se retournant. « Un enfant ? Êtes-vous de ce pays, mon ami ?»« Oui, monsieur. » »« Alors vous pourrez me donner les renseignements que je viens chercher. Dites-moi, mais tout à l'heure, la voix me manque. Laissez-moi me remettre un peu. » « Oui, remettez-vous, monsieur, » dit Everard, touché de cette douleur vraie. « Remettez-vous et pleurez toutes vos larmes. Les larmes sont bonnes presque toujours. » « Vous savez la légende des eaux de cette montagne ? » ajouta-t-il comme se parlant à lui-même. « Un chevalier méchant et impie racontait à un saint ermite sa vie souillée, non par repentir, mais par dérision. « Que pourrais-je jamais faire, mon père ? » disait-il en riant, « pour effacer tant et de tels crimes. »« Rien que remplir d'eau cette gourde, » répondit le saint homme. « Quoi, si peu ? Et pour cette pénitence, vous m'absoudrez ? Quand la gourde sera pleine, vous serez absous. Mais donnez-moi votre foi de noble homme que vous la remplirez, » dit l'ermite. « Je vous la donne. Cette source, dont j'entends le bruit, n'est pas si loin. » Mais la source se dessécha à l'approche du chevalier. Il alla au ruisseau, le ruisseau se tarit. Il alla au torrent, le torrent cessa de couler. Il alla à la rivière, l'eau n'entra pas dans la gourde. Il alla au fleuve, la gourde resta vide. Il alla à la mer, la gourde ne s'y mouilla seulement pas. Alors, au bout d'un an de courses infructueuses, le méchant chevalier revint près du solitaire. « Vieillard, lui dit-il, tu t'es moqué de moi, mais ce ne sera pas impunément. » Et il frappa le saint homme au visage. « Ayez pitié de lui, mon Dieu, » dit l'ermite. « Demande grâce pour toi, plutôt, » reprit le chevalier. Et il poussa rudement l'ermite qui tomba sur le sable. « Mon Dieu, » dit le solitaire, « prenez toute ma vie de prière pour expier sa vie de péché. »« Tu te tairas à la fin ?» s'écria le chevalier hors de lui, et il lui porta un coup de son épée. « Mon Dieu, » dit l'ermite en tombant, « pardonnez-lui comme je lui pardonne. » Alors enfin, en entendant ce cri évangélique, en voyant ce vieillard qui priait pour celui qui l'avait blessé, un grand déchirement se fit dans l'âme du chevalier. Il se mit à trembler comme un enfant et tomba à genoux près du saint homme. Et voici qu'une à une ses larmes tombèrent silencieusement dans la gourde aride. Elle fut vite remplie. Cependant, le chevalier pleurait toujours, et non seulement il fut sauvé et absous par les larmes, mais ses pleurs de remords, allant se mêler à la source autrefois desséchée, donnèrent à toutes les eaux de ces montagnes la propriété de guérir les plaies du corps, comme elles avaient fermé les plaies de l'âme. Pleurez donc toutes vos larmes, ajouta Everard. Les larmes apaisent, les larmes consolent. L'étranger, d'abord distrait, avait ensuite relevé la tête avec surprise et regardait en souriant le petit pâtre qui lui parlait ce langage mystique. Everard, en effet, portait le costume d'un paysan de ces montagnes, guêtres et ceintures de cuir, large pantalon venant à mi-jambes, veste de velours brun, la chemise rabattue sur les épaules et rattachée au col par un anneau d'or, un chapeau de feutre gris avec une grande plume noire. Mais sous ces habits grossiers se révélait une distinction innée. Le regard ferme et profond n'était certes pas celui d'un rustre. La pâleur de ce front avait une étrange poésie. Sous l'enveloppe frêle de ce corps délicat, on sentait une âme puissante. Enfin, dans la gaucherie timide et naïve de l'attitude, se laissait voir une grande honnêteté et une sincérité parfaite. Ce fut donc avec une certaine déférence que le voyageur dit à l'enfant « Et qui êtes-vous, mon ami ?»« Le fils de la comtesse Albine d'Epstein, » répondit Everard. « Le fils d'Albine ? Et où est-elle, votre mère ?»« Morte pour tous, excepté, bien entendu, pour son fils, » reprit sérieusement l'enfant. « Que voulez-vous dire ? Les morts ne vivent-ils pas toujours pour ceux qui les aiment ?»« Albine vit donc pour moi, » s'écria l'étranger avec un accent profond, « car Dieu sait si je l'ai aimée, la noble et sainte créature. » Et quand l'avez-vous perdue, hélas ? Le jour où je suis née. Au moins quelque chose reste d'elle sur la terre, et permettez-moi, mon enfant, de reporter sur vous l'affection que je lui avais vouée. Vous qui avez connu et qui avez aimé ma mère, je vous aime et je vous reconnais, dit Everard. Et l'enfant ingénu, l'homme grave, se donnèrent la main comme deux vieux amis. « Vous ressemblez à Albine, en effet, » reprit l'étranger. « Vraiment ? Oh, que vous me faites plaisir en m'apprenant cela !»« Oui, voilà bien ses beaux yeux limpides, miroirs de son âme céleste. C'est sa voix que j'entends quand vous parlez et qui va, comme autrefois, jusqu'à mon cœur. » « Mon enfant, comment vous appelle-t-on ? » « Everard. » « Everard, je vous le dis, votre mère revit en vous. » « Et elle revit pour moi, monsieur, car, je vous le répète, elle n'est morte que pour les autres. Mais moi, je l'entends, je la vois. Elle est ma confidente et mon appui. C'est elle qui met à cette heure dans mon âme la confiance et la sympathie que j'ai ressentie pour vous, moi si sauvage. Vous n'auriez pu me tromper, allez, j'y vois clair à travers ma mère. » Alors Everard raconta à son nouvel ami sa vie tout entière, si l'on peut appeler vie cette existence entre la tombe et la terre, cette vision perpétuelle de la mort, où la trépassée partageait l'existence du vivant, où le vivant était de moitié dans la mort de la trépassée, où l'enfant semblait presque un fantôme, où la mère était presque une réalité. Ombre charmante de l'Allemagne, anges et nymphes de la nature et de la vie, sylphes, ondines, sylvains, salamandres, je conçois que vous ayez aimé et gâté cet enfant qui n'était pas moins gracieux que vous. Et toi-même, Germanie, vieille panthéiste qui a l'univers pour religion et pour idéal, comme tu devrais, sœur européenne de l'Inde, te reconnaître dans ce fils amoureux des flots et des nuées, épris de l'infini palpable et si tendrement respectueux pour une mère invisible et partout présente. » L'étranger écouta le bizarre récit d'Everard gravement et sans sourire, comme un homme qui a sondé l'incertitude et la faiblesse de l'esprit humain sans avoir pu mesurer la toute-puissance de Dieu. Everard, selon son habitude, parla peu du comte d'Epstein. Le secret de la jalousie de Maximilien et de la dernière heure d'Albine était resté entre elle et Dieu, et le voyageur pleura sa mort étrange et subite, sans y soupçonner un crime. Il ne parut pas s'intéresser moins vivement à tout ce qui regardait la famille du garde-chasse. « Vous avez donc aussi connu mon autre mère, Wilhelmine, puisque sa fin prématurée vous touche tant, » lui dit Everard. « Elle et ma mère, vous les pleurez vraiment comme deux sœurs. »« Comme deux sœurs, en effet. »« Mais vous dites donc que le vieux Gaspard Mudden vit encore et que Wilhelmine a laissé à Jonatas une fille ?»« Oui, ma sœur Rosemonde. Jonatas est parti hier pour l'aller chercher à Vienne. » Et je le disais à ma mère cette nuit, Il me semble que son retour va commencer pour moi une ère nouvelle. Et Jonatas, reviendra-t-il bientôt? Ah, je l'espère. Il faut qu'il se hâte s'il veut accomplir un des derniers vœux de Gaspard, qui est couché à présent sur son lit d'agonie et qui voudrait bien revoir sa petite fille avant de mourir. Ce que les hommes peuvent faire pour contenter les mourants, il faut qu'ils le fassent. L'autre désir de l'aïeul dépend de Dieu seulement. Ce serait de savoir si sa seconde fille Noémie est morte d'une mort pieuse ou vit d'une vie prospère. Mais Noémie est en France et ce souhait du pauvre vieillard ne peut être exaucé. Si fait, dit l'étranger. Et qui donc l'accomplirait? Moi.